La Corée multiplie les succès dans la campagne de 200 jours. Le complexe houillé du district du Hamgyong du Sud obtient chaque jour dès le début de la campagne des résultats sans précédent depuis 20 ans et le complexe du Vinalong 8 février a accompli pendant 50 jours la tâche de production de 3 mois. Des jeunes de l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang, de l'usine des souliers de Wonsan, de la soierie de Nyongbyon et d'autres usines et entreprises sont devenus novateurs qui ont accompli le plan annuel de l'économie nationale.